On va commencer par Florence, qui est la directrice du festival Plein la Bobine à la Bourboule. Donc la Bourboule, c'est où la Bourboule, Florence Dupont? Alors la Bourboule se trouve dans le Massif du Sancy, et Plein la Bobine, c'est le festival du Massif du Sancy, le cinéma jeune public. Et le Massif du Sancy se trouve non loin de Clermont-Ferrand, dans les volcans d'Auvergne, en plein cœur des volcans d'Auvergne. Donc malheureusement, ils sont éteints, sinon ça aurait chauffé, là, vous auriez pu faire ça en plein hiver. Certes, mais heureusement, ils sont éteints, je dirais, moi. Alors, on a déjà reçu Florent dans cette émission il y a déjà quelques années, il y a bien 3 ans, facile. Hein. Ou 4 ans. 3-4 ans, mais c'était en tant que directrice du Festival de Laon, qui était aussi un festival jeune public. Mais pas en Auvergne, qui était plutôt dans l'Aisne, dans le Nord. Et alors maintenant, vous avez quitté le Festival de Laon, et puis vous avez lancé ce festival à la Bourboule, qui en est à sa 3e édition. Voilà, on a créé le festival en 2003 et donc on prépare la 3e édition. Là, c'est du 14 au 19 juin, la semaine juste après le festival d'Annecy. Donc pour tous ceux qui auraient encore envie de voir de l'animation après Annecy, ils peuvent courir à la Bourboule juste après. Alors c'est pas un festival où il y a uniquement de l'animation, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. L'animation est très présente dans le festival. On pourrait aussi peut-être ajouter que vous êtes très impliqué dans le CIFEJ. Vous êtes encore vice-présidente jusqu'à l'Assemblée Générale qui a lieu à la fin du mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Donc, et puis vous pouvez pas vous représenter, c'est ça? Parce qu'après deux mandats, si j'ai bien compris, on peut pas... Oui, on peut pas se représenter, il faut attendre 2 ans pour pouvoir se représenter. Alors qu'est-ce que c'est que le CIFEJ? Alors le CIFEJ est le Centre International du Film pour l'Enfance et la Jeunesse. Et en fait, c'est une sorte d'association internationale qui travaille en faveur des films pour les enfants et les jeunes, mais des films, comment dire, intelligents et intéressants. Et donc, on est un certain nombre de personnes dans le monde entier à essayer de défendre ces films, de les montrer, parce que malheureusement, ils ne sont pas assez montrés à notre goût. Et voilà, on travaille dans ce sens. C'est pas évident, on n'a pas beaucoup d'argent, mais, mais bon, on milite pour ces films. On a souvent évoqué ici la CIFA, l'Association Internationale du Film d'Animation, mais il y a une autre association internationale, enfin un peu un équivalent, on veut dire, hein, pour l'enfance et la jeunesse. Oui, tout à fait. Une association de cinéma avec des représentants du monde entier, c'est très international. Ah oui, ça veut, c'est vraiment... un vrai réseau, quoi. C'est important, la notion de réseau. Oui, tout à fait. Il y a vraiment tous les continents sont représentés dans cette... c'est pas vraiment une association, hein, c'est un centre... Et êtes-vous en communication avec tous ces festivals magnifiques qui se déroulent régulièrement dans plusieurs villes, internationalement, on peut dire? Alors oui, parmi les membres du CIFEJ, il y a pas mal de festivals, et avec lesquels, effectivement, je suis en contact. On s'échange des informations sur les films, on se dit, tiens, je connais tel film, tu devrais le passer, tu devrais le voir. Et puis, il y a également des producteurs, des distributeurs, des réalisateurs. C'est pas uniquement des festivals de cinéma. Mais c'est des gens qui travaillent dans le domaine du cinéma jeune public. Très bien. Alors justement, le cinéma jeune public, qu'est-ce que c'est que le cinéma jeune public? Parce que la notion de jeune public, ça commence quand, ça finit quand? Alors c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. En l'occurrence, le festival Plein la Bobine, on commence à montrer des films à peu près aux enfants à partir de 3 ans, c'est-à-dire à la maternelle. Oui, tout petit. Et puis après, il n'y a pas d'âge limite. Pour moi, un film jeune public, je dirais qu'il n'y a pas une définition. Il n'y a pas des films jeunes publics et des films adultes. Pour moi, tout bon film qui, évidemment, peut s'adresser à des enfants est un film jeune public. C'est-à-dire que. Quoi donner comme exemple? Il y a beaucoup de films qui n'ont pas du tout été écrits pour des enfants, mais qui sont très bien pour eux. Mmh. Et même si dans la tête du réalisateur, il s'est pas dit tiens, je vais faire un film pour les enfants. À vrai dire, assez souvent, les films qui ont été conçus en pensant trop aux enfants sont pas nécessairement les meilleurs à mon goût, en tout cas. Ouais. Et je crois qu'on est beaucoup à partager ce point de vue. Donc, Par exemple, dans le festival, moi j'ai noté. Les films de Tony Gatliff, Gadjo Dilo par exemple, ou Marianne de Piotr Václav, sont des films déjà assez difficiles pour les jeunes. Oui, tout à fait. Hein. Qu'on ne présente pas aux enfants de 3 ans, rassurez-vous. mais à partir de 12 ans. Ouais. Oui, c'est pas du tout des films qui ont été pensés pour même sans parler d'enfants, parce qu'à 12 ans, on commence à être même adolescent. Pas pour des adolescents. Été pensé pour des adolescents. Mais ceci dit, c'est des films qui peuvent très bien être vus par des adolescents et qui vont apprécier. Et est-ce que de nos jours, il y a des pays qui ont un département spécialisé pour l'enfance ? Il y en a quelques-uns. C'est-à-dire qu'il s'agit de protéger l'enfance aussi, de ne pas montrer n'importe quoi, que, mon Dieu, les parents puissent automatiquement les emmener vers un spectacle qui ne risque pas de heurter leur conscience ou quoi que ce soit. Et dans ce cas, il est normal qu'il y ait des aventures sous forme de vues réelles ou de films d'animation, de documentaires. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore des productions, comme c'était le cas en Angleterre, du temps de Mary Field, par exemple, alors, dont vous avez sûrement entendu parler? Oui, alors il y a encore certains pays qui ont des départements comme ça, spécialement pour les enfants et le jeune public. C'est pas nécessairement pour des raisons de censure, etc. Ça peut partir d'une bonne intention, si je puis dire, dans le sens où, quand même, beaucoup de réalisateurs de longs métrages ne s'intéressent pas du tout au public enfantin et ne font pas des films qui peuvent s'adresser à des enfants, disons, de 6 ans, de 7 ans. Donc, il peut y avoir des départements spéciaux, notamment les pays nordiques, ils ont tous ça, les pays nordiques. Il y a un certain quota de films pour enfants qui sont faits chez eux. Et donc, il y a de l'argent qui est donné pour les films par l'État. Il y a une certaine partie de cet argent qui va spécialement pour des films pour enfants. Pouvez-vous donner quelques exemples, par exemple, tirés de romans pour la jeunesse, que des Français lisent aussi en traduction? Alors, là, comme ça, vous me prenez un peu au dépourvu. Oui, mais je ne peux pas vous dire. Bravo. Il y en a. Je vous pose la question, car... Mais par exemple, Fifi Brin d'Acier, ont été faits dans grâce à de l'argent qui a été mis spécialement pour des films jeunes publics. Mais à vrai dire, il n'y a pas énormément de pays qui ont des départements jeunes publics. Parce que je vous pose ces questions parce que cela évolue. Effectivement, il y avait une production spécialisée dans les pays de l'Est, pas en animation seulement. Vous savez qu'en Allemagne passent maintenant tous ces films de la DEFA. C'était en principe des contes de Hanf, de Grimm, et passent régulièrement dans des chaînes thématiques. Avant, on ne les voyait pas en Allemagne de l'Ouest, mais maintenant on les voit, ce sont des films avec acteurs et qui respectent naturellement le monde de l'enfance tout en étant des films passionnants et faits par des réalisateurs qui réalisent autre chose aussi, qui sont capables de jouer sur les deux tableaux. Parce que c'est très délicat de faire un film qui intéresse, tout à fait. Qui intéresse les enfants, et encore plus difficile d'intéresser les enfants et les parents qui sont les meilleurs, bien entendu, de mon point de vue. Mais justement, vous mettez le doigt sur pour moi, toute la programmation du festival m'intéresse autant que ça va intéresser des enfants de 3 ans ou de 6 ans, suivant les films. Pour moi, il faut que les films soient bien pour tout le monde. Après, certains films peuvent être vus par des enfants plus ou moins jeunes, mais un film qui, effectivement, peut plaire à des enfants, mais où tous les adultes vont s'ennuyer pendant la projection, pour moi, c'est pas vraiment un bon film pour enfants. Oui, voilà. Ou se cacher sous le fauteuil, tellement c'est sentimental. Oui, tout à fait. Vraiment, ou trop sucré comme une pâtisserie qui vous reste dans la gorge. C'est pas du tout l'esprit, c'est pas du tout l'esprit du festival. On pourrait citer, je sais pas, par exemple, Tchoupi est un film fait vraiment directement pour les tout petits, en l'occurrence. Hein. Encore plus, oui, deux ans. Ouais. Je suis pas sûr que ça passionne énormément les adultes. Non, pas vraiment. Alors, Le Kirikou et la sorcière est un film aussi qui a été voilà, fait. Ça, c'est alors, un modèle il a été fait en pensant aux enfants, mais c'est vrai qu'il est universel. Il excite aussi les adultes, intéresse beaucoup les adultes en fait. Choupi est un film français, n'est-ce pas? Merci. Par le même producteur, donc pour la partie entreprise, c'est le même producteur que celui de Kirikou, c'est-à-dire les armateurs. Didier Brunner. Voilà. Ouais. Qui a milité pour l'animation depuis bientôt 20 ans maintenant, qui est expérimenté. Alors, il faut dire que dans le festival, il y a aussi une compétition internationale, mais uniquement de courts-métrages, contrairement à l'an où c'était plutôt une compétition de longs-métrages, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors, pourquoi une compétition de courts-métrages ? On n'a pas voulu faire une copie de l'an. Non, l'an. Non, mais c'est comme ça, c'est juste... Et alors, les compétitions de courts-métrages s'expliquent très bien par le fait que on a voulu s'adresser... aux enfants de toutes les tranches d'âge qu'on voulait toucher, c'est-à-dire à partir de 3 ans, de 7 ans et de 12 ans. Il faut dire que les programmes, il y a un âge qui est indiqué par rapport aux programmes, même les programmes de court-métrage. Puisque tout le monde s'en doute, on ne peut pas montrer n'importe quel film à un enfant de 3 ans et pas le même à un enfant de 12. Donc, on a voulu que tous les enfants aient leur compétition. Donc, on a fait 3 compétitions pour 3 tranches d'âge différentes. Et du coup, il fallait que ce soit des compétitions de courts-métrages, puisque des longs-métrages pour des enfants de 3 ans, autant dire que si on en avait trouvé un par an, on aurait eu de la chance. Et puis, après, pour les plus grands, c'était possible. Mais c'était un des soucis allant. La compétition de longs-métrages, en fait, elle s'adressait à des enfants de différentes tranches d'âge. Du coup... Il pouvait pas y avoir un même enfant, pouvait pas voir tous les films sauf les plus grands. Oui. Et il y avait un jury jeune qui, en général, ne primait que les films qui s'adressaient plutôt à leur tranche d'âge, puisque les films pour plus jeunes, souvent, ils trouvaient ça trop bébé pour eux. Donc là, on a fait 3 compétitions avec un jury professionnel qui voit les 3 compétitions et un jury. Enfant par catégorie d'âge, voilà. Ça fait beaucoup de jury, tout ça, et beaucoup de prix. Et un prix du public, donc du coup, ça fait 3 prix par compétition, ce qui fait 9 prix en tout. Oui, et plus le prix du public, ça fait 10. Oui. Non, le prix du public, il y en a un par compétition. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, donc chaque... Il y a... D'accord, donc, ça fait j'ai 9. Bien compris. Donc en fait, le jury professionnel donne 3 prix. Oui. Ensuite, chaque jury d'enfant donne un prix dans sa catégorie, et le public donne un prix aussi par catégorie. Oui. Mélangez-vous les genres. Oui, nous mélangeons les genres. Mais à vrai dire, vous pouvez regarder, il y a beaucoup, beaucoup d'animations, surtout cette année. Ouais. D'habitude, il y a en gros que de l'animation pour les enfants à partir de 3 ans, un mélange pour les enfants à partir de 7 ans, et plus de prises de vue réelles pour à partir de 12 ans. Et cette année, même à partir de 12 ans, il y a beaucoup plus d'animations que de prises de vue réelles. Il y a une grande majorité d'animations. Il sera intéressant de voir comment réagit le public là-bas. Ce n'est pas le même que celui que vous aviez, je pense. Mais enfin, l'enfance est universelle, finalement, dans les goûts les plus caractéristiques. Et j'aimerais savoir si, par exemple, des enfants de 12 ans se gênent de voir encore des dessins animés, n'est-ce pas, qui sont réservés aux bébés, n'est-ce pas, qui, de la prématernelle, l'âge de 4 à 6 ans, par exemple, ou bien au primaire, alors que eux, c'est des grands du lycée. Du CES entre, je pense qu'on peut dire grosso modo, de 10 ans à 14 ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu dire des réactions en ce sens que les enfants préfèrent voir un genre ou un autre? C'est peut-être pas une vraiment. Question futile. Pas vraiment. Mais pas vraiment. À vrai dire, peut-être qu'ils font ce genre de commentaires et que je ne suis pas là pour les entendre, mais je ne l'ai pas entendu en tout cas. Oui, dans la réalité, c'est-à-dire pendant la projection, ils sont attentifs à tous les films. Quand on voit les courts-métrages en compétition là, pour à partir de 12 ans, donc dans les films d'animation, il y a par exemple « L'homme sans ombre » de Georges Philippe Kébel, « La révolution des crabes » d'Arthur Depince, « La méthode Bouchnikov » de Grégoire Sivan, « L'inventaire fantôme » de Franck Dion, je regarde dans simplement l'animation. Oui, oui. Skeleton Woman d'Edith Piperhoff, que je ne connais pas, celui-là. Oui, c'est aussi une histoire vertébrale. Et une histoire vertébrale. Oui. Bah, deux films primés à Auge, d'ailleurs, entre une histoire vertébrale et la Et tous ces films sont présentés en compétition, donc la grande compétition pour les. Pas pour les enfants, mais pour les adultes en général. Et les enfants peuvent les voir. Alors, voilà. c'est dire qu'à 12 ans, on ne voit pas n'importe quoi en animation. On ne peut pas dire que l'animation, c'est pour les bébés. C'est, par exemple, c'est impossible avec des films comme cela. Non, puisque pas du ce tout. Sont des jurys adultes qui en somme, dessinent, peuvent prendre un de ces films et lui donner le prix, n'est-ce pas, dans la catégorie. Enfin, on ne dit pas adulte, dans ce cas, c'est la compétition du festival et ça n'a rien d'enfantin. Absolument pas. Je le dis parce qu'on ne peut pas se rendre compte si on cite des titres et on n'a pas vu des films. Il y en a quelques-uns qui sont quand même bien connus. Hein, parmi ceux qui nous écoutent, ce serait bien triste. Oui. Parce que... Qui n'en connaissent aucun. Aucun. Alors, le jury des professionnels, c'est qui? Alors, Parmi les membres du jury professionnel, on a Olivier Broche qui est comédien et qui est notamment bien connu parce qu'il joue dans Les Deschiens. Freddy Denès qui est notamment producteur et distributeur de films chez Pomme Film. Chez Pomme Film. Pomme Film distribue pas mal de films africains, notamment des films d'animation africains. Isabelle Jacquet qui est comédienne et qui a joué dans des films mais aussi beaucoup au théâtre. Et elle a notamment joué dans L'aîné de mes soucis qui était en compétition l'an dernier à Plein la Bobine. Dominique Soyer qui est une réalisatrice de films d'animation qui s'est installée récemment pas loin de la Bourboule. Et puis un compositeur de musique dont je ne peux actuellement vous dévoiler le nom. Parce que c'est une immense star et voilà. Il y aurait une émeute. Il y a des... Enfin, vous avez la thématique musique, je vois, en long métrage. Tout à fait. Très important. Ça représente 50% de l'investissement chez un Disney, par exemple, dans la production, je veux dire, sous forme de d'où l'importance d'accorder à la musique. Oui, qui et porte puis un film en ou plus, le détruit. On a un partenariat avec la SACEM. Qui nous fait venir un compositeur de musique de film pour faire partie du jury du festival. Et vous savez sans doute qu'à Folimage, à Valence, il y a au conservatoire maintenant, pas depuis quelques années, des cours spécialisés en musique pour dessin animé, avec des jeunes qui commencent à l'âge de 9 ans, et puis ensuite vous avez des étudiants normaux qui ont le bac en poche, par exemple, ou avant, et qui jouent eux-mêmes un instrument et on fait comme exercice aussi des accompagnements de films qui ont déjà une bande sonore, mais on coupe le son et pendant la projection, comme au temps du muet, l'orchestre d'étudiants accompagne le film avec sa propre musique. Alors justement, on va faire ça au festival. Très bien. On va faire un atelier avec Roberto Tricari, qui est un musicien qui accompagne beaucoup de films muets et qui va donc travailler avec des enfants pendant le festival et leur faire une musique et des bruitages sur un court-métrage qui s'appelle Dans la jungle, qui est un court-métrage d'animation que vous devez connaître. Et voilà, ils vont jouer cet accompagnement pendant la soirée de Palmarès le samedi 18 juin. Donc tout le travail se fait pendant le festival. Voilà. Ouais. Et alors, autour de la musique, il y a aussi un atelier, enfin c'est pas exactement la musique, mais c'en est proche, l'atelier son avec l'équipé. Oui. À partir du film La prophétie de la grenouille. La prophétie des grenouilles, oui. Prophétie de la grenouille. Non, des grenouilles, oui, des grenouilles. Il y en a plusieurs, effectivement. Vous connaissez le nom d'intervenant, non ? Alors, oui, je le connais, mais là, tout de suite, il faut encore que je le retrouve. Vous pouvez mettre une petite musique, et puis je le retrouverai. Au cours de l'émission, ce serait pas Loïc Burkhardt, hein ? Non. Non. Mais c'est assez passionnant, c'est vrai que travailler sur le son, oui. Bon, évidemment, créer une musique sur un film, c'est passionnant, bien sûr, mais travailler sur le son, notamment dans un film d'animation, où on est obligé de complètement recréer l'univers sonore, c'est une expérience qui est assez fascinante, je pense, c'est très enrichissante. C'est une orchestration de bruit, et vraiment une orchestration, comme si vous écrivez une chanson, alors il y a deux portées, mais il n'y a pas encore d'orchestration. Eh bien, pour les bruits, il y a les bruits eux-mêmes, mais on peut tellement les triturer maintenant, on a tellement de moyens techniques, que l'on peut faire une véritable partition, et aide à faire passer des idées qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas besoin de dessiner et animer, c'est caractéristique. Alors le dessin animé devient extrêmement riche, parce que d'une part il y a le graphisme, l'animation, la musique, mais il y a aussi ces bruits, et un bruit suggère quelque chose qu'on croit voir, mais qu'on ne voit pas, qui n'apparaît pas sur l'écran, et juste pendant le temps qu'il faut, et c'est le bruit juste en plus, par la reproduction, la qualité qui a augmenté de façon conséquente depuis ces 50 ans, n'est-ce pas? C'est absolument fantastique, c'est une vraie création. Il y a deux dessins animés, un qui est sonore, qu'on pourrait entendre séparément avec la musique et les bruits, et on pourrait, si on a vu l'ensemble avec les images, écouter le son et puis naturellement reconstituer l'image dans sa tête. Tout à fait. Il y a une chose qui ne me va pas du tout quand même, c'est que Florence s'inquiète. ben oui, on a toujours dans les festivals jeunes publics, on a toujours des ateliers comme ça passionnants qu'on n'a absolument pas dans des festivals pour adultes. Et ça, c'est pas à moi qu'il faut se plaindre. Mais je me plains en général, pas particulièrement à vous. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. Ça m'intéresserait beaucoup, moi, de faire un atelier comme ça. Mais je suis sûr que Serge aussi serait partant pour faire une expérience. On peut s'inscrire quand on a vu, non? Ah, mais en fait, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Enfin, il y a un atelier qui est fait pendant le temps scolaire où là, c'est des classes. Mais en revanche, il y en a un autre le samedi où tout le monde peut venir. Et le but, c'est bien que les parents viennent avec leurs enfants. Et ils même tout seuls, s'ils veulent, pas ils participent. Ah ben non, ils viennent pas juste accompagner leur enfant, ils participent, bien sûr. Et dans les faits, ils participent vraiment? Bah, vous dire, il n'est pas encore eu lieu, cet atelier. D'accord, mais enfin, je suppose que vous avez déjà eu des ateliers, d'autres ateliers dans le cadre du festival. Oui, oui, oui. Et alors? Bah si, en général, quand même, les adultes essaient de participer. Oui, oui, parce que c'est tellement passionnant que tout le monde a envie de participer. Mais je sais que... Il y a quand même eu au moins un festival qui a fait cet atelier-là. C'était le festival du Val d'Oise, Image par Image. Oui, mais néanmoins, je pense que ça s'adressait avant tout aux enfants. Peut-être, mais c'est un festival... Oui. Pas seulement jeune public. Oui, qui n'est pas seulement jeune public, on est bien d'accord. Mais néanmoins, programmateur de festivals de cinéma en tout genre, allez jeter un œil dans les programmes des festivals jeunes publics, vous trouverez les tas d'idées. Je suis sûr que les adultes seraient ravis de faire des expériences de ce type-là. Toujours autour de la musique, il y a deux ciné-concerts aussi autour d'Harold Lloyd et Buster Keaton. Oui, tout à fait, accompagné par Roberto Tricari. Voilà, toujours Roberto Tricari, donc... Gros chapitre musique.